Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre. On va parler de NFL avec notre ami Tony Guzzo. Salut Tony! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tony, si on parlait d'abord, hier, c'était la présentation du calendrier présenté par NFL Network, sur NFL Network, une émission de 3 heures, évidemment. Évidemment, c'est pour donner du contenu à NFL Network, que le printemps, c'est très tranquille pour eux. Et comme on dit, la saison va s'ouvrir à Kansas City au début septembre, le 10 septembre. Oui. Oui, tout à fait. Le 10 septembre, il faut comprendre, les gens, il faut comprendre que la NFL a quand même procédé à présenter, à dévoiler le calendrier comme si rien n'était. Donc, on va regarder ça en temps et lieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont quand même un plan de contingence dans le sens que chaque semaine peut devenir une première semaine. Donc, si advenant que la saison NFL commence à la semaine 3, ben la semaine 1-2 va comme être remis à après la 17e. Donc, il prévoit de reporter la saison s'il commence plus tard. Donc, le Super Bowl, qui est prévu pour le 7 février, risque d'être peut-être plus tard aussi. OK. J'avais vu même le 15 octobre, maintenant que ça pourrait être ça. Ben exactement. Donc, ils ont tout planifié ça, dans le sens que même le calendrier a été établi de telle sorte que chaque club joue 2 de ses 4 premiers matchs à domicile et les 2 autres sur la route. Donc, cette décision-là a été prise dans l'éventualité où les matchs seraient annulés en raison de la pandémie. Puis en plus, les équipes contre qui ils jouent en semaine 2, ben c'est ces équipes-là qui vont être la semaine de congé. Donc, ce sont toutes préparées. Là. Il y a un calcul pour ça, là, pour advenant qu'il y a un report de la saison. Mais la NFL voulait présenter tous les matchs. Je veux dire, ils voulaient tout dévoiler ça hier. 256 matchs. Il y a quand même, comme tu dis, ça va être le premier match est à Kansas City où que les Chiefs vont soulever la bannière puis vont accueillir Deshaun Watson et les Texans là, le jeudi 10 septembre. Ça va être très, très bon. Ensuite de ça, les Rams de Saint-Louis vont inaugurer leur nouveau stade contre les Cowboys de Dallas dans le cadre du Sunday Night Football. Oui, exactement, au nouveau stade Sophie qui appelle. Je pense 6 milliards, c'est ça? Il y a beaucoup d'argent. C'est tout un stade. Ça va être vraiment une belle destination. Je sais pas qui va y aller. Ouais. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde. Puis non seulement qu'il y a les Rams qui vont inaugurer dans leur nouveau stade, mais il y a aussi les Raiders. Oui, ils vont jouer leur premier match. Exactement. Deuxième semaine à Las Vegas, d'où les Raiders vont accueillir les Saints. Donc, ça va être vraiment intéressant. Comme les gens, la première semaine, il y a toujours 2 matchs du lundi soir. La cédule est sortie, il va y avoir les matchs du dimanche soir. Il va y avoir des horaires flexibles, comme dans le passé. Non, c'est ça, exactement. Tous les matchs vont être aux États-Unis. Les gens qui ont vu, j'ai sorti un article ce matin, je l'ai dévoilé, l'horaire, j'ai indiqué quelques matchs à surveiller, je ne sais pas si tu veux les entendre. Il y a les Saints et les Vikings qui vont disputer un premier match un vendredi depuis 2009 à cause des fêtes, là, donc on va voir des matchs un vendredi. Tom Brady, ton ancien préféré. Ben, c'est plutôt mon préféré, mais par contre, c'est mon préféré. Par contre, je ne prendrais pas comme certains font, là, changer d'équipe. Là. C'est mon préféré pareil. Là. J'aime ça niaiser, ouais. Brady va faire ses débuts avec les Bucks. Ça va être sur la route à New Orleans contre Drew Brees la première semaine. À cause de Brady avec Tampa Bay, il joue quand même plusieurs matchs en prime time. Brady et les Bucks ne joueront pas à l'étranger entre le 15 novembre et le 20 décembre. C'est quand même intéressant. Au fil de cette période, ils vont accueillir les Rams, les Chiefs, les Vikings, en plus d'obtenir une semaine de repos là, entre le 15 novembre et 20 décembre. L'arrivée du premier choix, Joe Burrow et les Bengals. Donc, les Bengals, l'année dernière, ils n'avaient pas gagné dans un stade adverse. Donc, ils vont avoir une première chance de secouer la gang avec la Joe Burrow le jeudi 17 septembre à Cleveland. Ça va être intéressant de voir aussi la troisième semaine, on va voir Pat Mahomes qui a été le joueur par excellence du Super Bowl contre Lamar Jackson, le joueur par excellence de la saison en troisième semaine. Donc ça va être intéressant à voir. Neuvième semaine, on peut voir les Packers qui vont tenter d'obtenir une revanche contre les 49ers. Les 49ers avaient battu les Packers lors de la finale de l'Association nationale 37-20. Donc, une petite revanche pour Rodgers et Packers. OBJ, Odell Beckham Jr., va affronter pour la première fois son ancienne équipe, les Giants, lors de la 15e semaine. À New York, donc, ça va être à New York. Les Browns seront à New York dans la grosse pomme. Et comme on l'a mentionné, la saison régulière doit se terminer le 3 janvier comme prévu, 2021. Et le Super Bowl est présenté à Tampa Bay. Donc, beaucoup de pression pour les Bucs avec Tom Brady, Gronk et les Buccaneers. Est-ce qu'on va voir pour la première fois une équipe qui va participer au Super Bowl chez eux? Donc ça va être présenté le 7 février 2021. Oui, ben, l'attaque va être forte. J'ai hâte de voir la ligne offensive parce que Brady, justement, à 43 ans, puis dernièrement, il a besoin d'une ligne. Il faut qu'il soit protégé dans sa pochette. Là. Donc, c'est pas lui qui va courir avec le ballon. Je m'attends à une grosse attaque. J'ai hâte de voir la défensive des Bucs. Et comme je te dis, la ligne à l'attaque pour protéger va tout là va se jouer là, par rapport à Brady. Là. Deuxième, compte tenu que les Patriots s'intéressaient à lui. Et du côté des Pats, ben, quelque part, il y avait un carrière qui. Tu sais, il aurait pu être partant cette année. Là. Très surpris. T'es surpris, toi? Oui, ben, je suis surpris, mais on peut comprendre pourquoi. Parce que Dak Prescott, il est en négociation. Puis là, je ne sais pas si Jerry Jones est prêt à le payer, là, mais je pense que c'est plus une police d'assurance. Puis je pense que. T'as-tu remarqué les Patriots, quand ils signent des agents libres, sont pas forts sur la grosse argent non plus, là. Fait que j'ai l'impression que Jerry Jones et les Cowboys ont donné vraiment un bon montant à Dalton. Tu sais, je pense que c'est un 3 millions garanti là, à être deuxième, là. C'est quand même pas pire. Ouais, très bon. Mais oui, ça a surpris tout le monde de la NFL, cette signature-là de Dalton à Dallas. Là. Puis les Patriots, en passant, Danny, c'est eux qui vont avoir le calendrier le plus facile. Au niveau de la prochaine saison. Donc, c'est eux qui ont le calendrier le plus facile au niveau des pourcentages de victoires contre les équipes adverses de 2019. Et c'est les Ravens de Baltimore qui vont avoir le calendrier le plus difficile. Si tu as eu une saison forte, ouais. Tu vas avoir un calendrier un peu plus difficile. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut passer. Aussi, Jarrett Stidham, il y a des rumeurs qui se semblent de plus en plus confirmées, qui sera le quart numéro 1 des Pats. Comment tu trouves ça? Moi, je trouve que la pression est énorme sur Stidham. J'aurais aimé ça avoir un quart de transition pour être celui qui va remplacer Tom Brady. La pression va être énorme sur lui. Tout à fait, Danny. Puis on a de la misère, tu sais, je veux dire, à savoir dans tête à Bill Belichick, tu sais, on entend est-ce que les Patriots veulent comme justement avoir un meilleur rang au repêchage, mais Belichick est jamais connu pour tu sais, pour bien repêcher non plus là, fait que c'est beaucoup de pression pour le jeune. Il y a quand même Brian Hoyer qui ouais, est son... Non, non, mais, tu sais, je veux dire, si Belichick veut prendre du temps pour le bien former, Stidham, tu sais, ils vont peut-être donner, tu sais, Brian Hoyer peut commencer un match ou deux en attendant que Stidham ne connaît pas des bonnes séquences, mais il est très dur à saisir, mais on peut en parler. Il y a aussi un Cam Newton qui est encore disponible. Ben oui, Cam Newton, ben oui, t'es-tu surpris de voir Cam Newton être aussi disponible à ce moment-ci de l'année? Moi, je suis pas surpris parce que j'ai l'impression que sa condition, sa santé physique est pas trop forte. Malheureusement, ils l'ont brûlé à... Ron Rivera l'a brûlé à Caroline. Je sais pas si c'est Ron Rivera qui voulait tellement qu'il joue ou Cam Newton lui-même, mais j'ai l'impression qu'au niveau médical, il est pas trop fort. Mais c'est quand même une bonne, tu sais, des fois la folie des joueurs autonomes, des fois ça peut être une bonne signature d'ici l'ouverture de la saison. Là. Fait que faut s'attendre à ça. Tu sais, puis on sait pas, il y a des rumeurs aussi qui veulent peut-être diminuer le plafond salarial. Okay. Tu sais, financièrement, puis la situation du COVID-19 est assez. Fait jaser beaucoup de monde, fait réfléchir beaucoup d'organisations, puis les ligues professionnelles en ce moment en mangent toute une, comme on dit. 100 millions que je pensais que j'ai eu un article que la NFL pourrait perdre par équipe. Oui, en revenu, oui. En revenu, c'est énorme, là. C'est incroyable. C'est énorme, puis pour les gens, je sais que c'est pas aussi gros que la NFL, mais la Ligue canadienne de football pense d'annuler la saison à cause de la situation financière. Je pense pas que la NFL est rendue là, mais les gens, là, d'ici septembre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Oui, effectivement. On s'en parle bientôt, Tony, avec l'actualité de l'exige. Parfait.